L'actualité à Nancy et ailleurs. Accompagner un couple lors d'une séparation ou d'un divorce, c'est le rôle du médiateur familial et c'est l'une des activités proposées par Arelia, une association nancéenne aux multiples facettes. Jérôme Prévost, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service au pôle développement et innovation sociale à Arelia. Oui. Et vous-même, vous êtes médiateur familial, donc on va voir ensemble plus particulièrement ce qui se passe de ce côté-ci à Arelia. Première question, tout simplement, la médiation familiale. J'ai fait une petite phrase en introduction, est-ce que c'est bien ça ? Oui, c'est tout à fait ça. La médiation familiale, c'est vraiment un espace de parole où l'on vient communiquer autour d'un différend. Alors, vous avez effectivement parlé des couples qui se séparent, mais la médiation familiale s'adresse également aux parents qui ne parviennent plus à communiquer avec leurs enfants, s'adresse à des grands-parents qui n'ont plus accès à leurs petits-enfants, s'adresse à des enfants qui rencontrent des difficultés avec des parents en situation de vieillissement, enfin, toute situation familiale où il y a un conflit. Alors, depuis quand ce service existe à Arelia ? Alors, c'est un des plus vieux services de médiation familiale français, parce que la médiation familiale vient de Belgique et donc comme on est proche de ce pays, les médiateurs belges sont venus vers 1982 former les premiers Français à la médiation familiale. Donc à l'époque, Arelia était le gîte familial auparavant et donc est devenu le premier service, un des premiers services de médiation familiale depuis 1982. Le rôle du médiateur dans ces conflits, c'est quoi ? C'est un travail d'écoute, d'accompagnement ? On prend des décisions à la place des gens ? Comment ça se passe ? Alors non, le premier poste là, quand on est médiateur familial, c'est de croire en la capacité des personnes à trouver elles-mêmes des solutions qui vont les faire sortir de leur conflit. Donc le médiateur familial, il accompagne vraiment les personnes à trouver leurs propres solutions dans leurs intérêts, mais aussi évidemment dans l'intérêt des enfants, lorsque c'est dans un couple qu'il s'agit. Par exemple, si un couple a rendez-vous devant un juge aux affaires familiales pour organiser les droits de visite et d'hébergement des enfants, il peut venir en médiation familiale avant de rencontrer le juge pour tenter de trouver des solutions par eux-mêmes. Comment ça fonctionne au sein d'Arelia, notamment, peut-être partout ailleurs, pour des personnes qui voudraient vous solliciter, comment ça se passe ? Alors, il y a plusieurs manières d'accéder à la médiation familiale. Donc, nous sommes conventionnés par la Caisse d'allocation familiale de Meurthe-et-Moselle. Donc, la CAF 54 fait beaucoup de promotion de la médiation familiale et peut orienter les personnes. La justice envoie également beaucoup de couples ou de parents en médiation familiale. Parce que lorsque vous sollicitez un rendez-vous devant un magistrat aux affaires familiales, vous recevez systématiquement un courrier vous invitant à aller dans un service de médiation familiale. Et puis la troisième manière d'arriver en médiation, c'est d'une manière complètement spontanée. Vous décidez d'organiser vous-même à l'amiable votre séparation ou de trouver une solution à votre conflit. Donc à ce moment-là, vous pouvez faire appel à un médiateur familial quand vous souhaitez. Vous l'avez dit, il y a énormément de cas différents. Est-ce que ça prend du temps de trouver toutes les solutions ? Est-ce qu'on trouve aussi toutes les solutions possibles ? On essaye. Alors, il n'y a pas de baguette magique à la médiation familiale, mais le temps de se poser, d'écouter, de respecter l'autre dans un cadre avec un tiers qui va favoriser un peu la parole de chacun, effectivement, ça permet d'accéder parfois à trouver des ententes. Donc à ce moment-là, on rédige un protocole ou on rédige des accords qui sont signés par les personnes et qu'elles peuvent ensuite emmener au juge pour le faire homologuer. Donc une médiation familiale, en général, c'est 3-4 entretiens avec un premier entretien d'information et puis ensuite on revient pour discuter des points qu'on a envie de négocier ou sur lesquels on a envie de trouver des solutions. Et ces rencontres, elles se passent où ? Au domicile des personnes ou à Arelia directement ? Non, elle se déroule à Arelia. Donc à Arelia, nous avons plusieurs sites. Donc le site de Vendeuvre-les-Nancy, donc cette rue du Luxembourg. Un site à Nancy, 269 Avenue de la Libération. Et un site à Toul, donc 5 bis Place des Cordeliers. Donc on peut recevoir vraiment à la demande des personnes sur ces différentes permanences, différents moments de la journée, et y compris le samedi matin. Donc en général, on travaille de 8h30. À 19h, on a une amplitude horaire assez large, puisqu'on sait que les personnes qui travaillent ont besoin d'être reçues le soir ou le samedi matin. Question pratique aussi, est-ce que ça coûte quelque chose la médiation familiale ? Oui, la médiation familiale est effectivement payante. Donc, comme nous sommes un service subventionné par la CAF, les personnes qui viennent en médiation bénéficient du barème. Donc il faut savoir que le premier entretien est complètement gratuit. Ensuite, ça dépend vraiment des ressources de chacun. Par exemple, pour une personne qui perçoit le RSA, l'entretien de médiation coûte 2 euros par entretien. Si si vous percevez entre 1500 euros et 1800 euros, ça coûte 12 euros la séance. Voilà. Et ensuite, bien sûr, c'est en fonction des ressources de chacun. D'accord. Est-ce qu'il y a un moment idéal pour venir à votre rencontre, ou est-ce qu'il faut attendre que les choses s'aggravent, ou est-ce qu'on peut très très tôt dans un conflit commencer à venir vous consulter? Bah le mieux pour venir en médiation familiale, c'est en amont de la procédure judiciaire. Effectivement, avant d'entamer une procédure, tenter une méthode amiable de résolution du conflit, c'est toujours et pertinent et bien vu par les juges qui vont ensuite vous recevoir. Et puis aujourd'hui, avec le divorce sans juge devant notaire et toutes les méthodes amiables de résolution des conflits existantes, il n'est plus nécessaire, si on n'en a pas envie, d'aller devant un magistrat pour décider d'accord sur une situation. Par exemple, si on a envie d'organiser par nous-mêmes une résidence alternée, on peut très bien le faire sans qu'un juge l'homologue, par exemple. Donc pour Arelia, vous êtes combien de médiateurs familiales ? Alors à Arelia, nous sommes 5, donc ouais. Tous diplômés d'État. Voilà, et nous avons une personne qui auditionne les mineurs au tribunal de grande instance de Nancy, donc par délégation du juge des affaires familiales également. Voilà, donc nous organisons des séances de médiation familiale, donc de couples qui se séparent, mais aussi beaucoup de médiation parents-ados, oui. Et de médiation avec des parents en situation de vieillissement également. Enfin, toutes sortes de conflits dans la sphère familiale. Toutes sortes de conflits, donc on n'hésite pas à vous contacter s'il y a la moindre question, comment on fait ? Alors, il y a la manière classique, hein, le numéro de téléphone, donc le standard 03 83 28 75 38, ou alors le portable 06 73 27 36 66. Vous avez également accès à la page Facebook, donc Service Médiation Familiale Arelia, et puis vous nous trouvez sur Internet, sur différents sites. Jérôme Prévost, merci. Ben, merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.